Jean Bosco, Douimane. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Le gouvernement du Burundi exprime sa satisfaction par rapport à l'accompagnement dont il bénéficie de la part du programme des Nations Unies pour le développement. Une réunion de PNUD et différentes structures étatiques a eu lieu ce jeudi. Dans ce journal, on parle aussi du niveau de collaboration des médiateurs collinaires et des autres institutions dans l'administration publique. Nous irons à Nyakabiga et à Bubanza. 1300 cas de grossesse non désirée ont été recensés en milieu scolaire dans les 3 ans écoulés. 1300 cas de grossesse non désirée ont été recensés chaque année en milieu scolaire depuis les 3 ans écoulés, selon un rapport du Fonds des Nations Unies pour la population au Burundi. Des chiffres dévoilés ce jeudi lors d'une formation organisée par l'association World Future Active pour les jeunes des quartiers nord de la ville de Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le gouvernement du Burundi est satisfait de l'accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement à travers les appuis aux différents projets de mise en œuvre de ses priorités. Déclaration du ministre de l'Intérieur et du Développement communautaire à la fin d'une réunion avec les responsables du PNUD et ceux de structures étatiques. Le ministre Martin Niteretse a indiqué que toutes les parties doivent s'impliquer davantage et travailler en synergie pour atteindre le développement durable. Ces projets ont connu des succès, mais aussi des échecs susceptibles d'être corrigés à travers la tenue régulière des réunions d'évaluation chaque mois, tel que convenu au cours de cette réunion. On écoute plutôt le ministre Martin Niteretse. Le partenaire au développement appuie le gouvernement du Burundi dans la mise en œuvre de ses priorités. Raison pour laquelle tout dollar ou tout franc burundais qui est budgétisé dans la mise en œuvre de ces projets doit être rapporté principalement par les responsables des structures étatiques. Parce que le PNUD et les autres partenaires au développement accompagnent le gouvernement dans la mise en œuvre de ces projets-là. Des projets, des priorités définies par le gouvernement. Alors, il y a eu des erreurs, on le constate, parce qu'on ne peut pas réaliser des activités avec réussite 100%. Raison pour laquelle on s'est dit qu'il faut tenir des réunions régulières une fois le mois pour évaluer les résultats atteints, les erreurs éventuelles, surtout qu'on veut que les erreurs soient corrigées à temps utile. On a le droit d'évaluer et corriger systématiquement tout ce qui est à corriger et établir aussi le cas échéant les responsabilités. Ce faisant, on s'est fixé des objectifs principaux qu'on doit faire des planifications conjointement. En définissant les priorités du gouvernement, on fait l'exécution ensemble, pareillement, on fait l'évaluation ensemble. Il y a aussi des succès, des progrès qu'on a enregistrés ces derniers temps. Et ces progrès-là, ces succès-là sont à apprécier et sont au bénéfice du peuple burundais parce qu'on doit œuvrer pour le compte du peuple burundais qui nous a mandatés. On doit tenir une autre réunion le mois prochain, mais en attendant, s'il y a une situation qui change, on s'est dit qu'il faut rapporter immédiatement pour apporter des solutions idoines à chaque problème. Concrètement, la semaine prochaine sera consacrée aux descentes sur le terrain pour voir de nos propres yeux l'état des lieux, non pas se contenter des rapports livresques qui peuvent être biaisés en cet moment. C'était le ministre de l'Intérieur. Des habitants du quartier Nyakabiga 2 apprécient positivement le travail fait par les médiateurs collinaires, même si ces derniers évoquent le manque du matériel et des formations comme handicap dans l'exercice de leur mission. Ces médiateurs collinaires demandent au gouvernement d'honorer ces engagements en leur versant la prime qu'il leur avait promise. On fait le point avec Moïse Misago. Ces habitants révèlent qu'ils s'adressent aux médiateurs collinaires pour des affaires civiles. Cet habitant de Nyakabiga, rencontré après avoir été écouté, apprécie l'œuvre de ses médiateurs. Je suis venu m'adresser à ces médiateurs à cause d'un conflit. Je dois m'adresser à eux. Ce sont des conflits civils qu'on amène ici. Ils sont nombreux. Je voudrais que nous soyons entendus sur le différend qui nous oppose. Et l'affaire a été bien tranchée. Je suis satisfait. Le secrétaire de ces médiateurs collinaires de Nyakabiga 2 affirment qu'ils parviennent à trancher les litiges qui leur sont soumis et cela en collaboration avec d'autres institutions à la base, dont les élus collinaires. Même ceux qui s'adressent à d'autres instances à Nyakabiga se retrouvent finalement obligés de recourir aux médiateurs collinaires, ajoutait-il. Jacques Ndayishimiye évoque le besoin de formation pour bien accomplir leur mission. Ce n'est pas uniquement les médiateurs de Nyakabiga 2, je dirais toute l'institution des médiateurs, car c'est une nouvelle institution. Pour ça, comme nous sommes nouveaux, nous souhaitons des formations pour être bien outillés. Le manque du matériel et des moyens sont des défis pour le travail des médiateurs collinaires. Jacques Ndayishimiye, secrétaire des médiateurs collinaires de Nyakabiga 2, demande à l'État d'honorer sa promesse d'une prime en leur faveur. Nous ne percevons pas le salaire pour nous aider à acheter le matériel, les photocopies et autres. Il y a des photocopies qu'on fait pour le rapport, qu'on transmet au tribunal et les documents qu'on garde ici. Cela exige des moyens. C'est vrai, c'est un travail volontaire selon la loi. Mais l'État qui a mis cette instance devrait nous donner la prime qu'il nous a promise. Plus de 30 dossiers écrits ont été déjà tranchés par ces médiateurs collinaires de Nyakabiga 2 et le rapport a été déjà transmis au tribunal de résidence de Nyakabiga, selon toujours Jacques Ndayishimiye, secrétaire des médiateurs collinaires de Nyakabiga 2. Et les médiateurs collinaires dans la province de Bouvanza travaillent en étroite collaboration avec les élus collinaires, ce qui est également confirmé par l'administration de la commune Guianga, qui précise cependant que des malentendus entre les deux institutions ont été enregistrés sur certaines collines. Les médiateurs collinaires sur certaines collines reçoivent cependant des conflits qui ont été tranchés dans les tribunaux et qui ne devaient donc pas être reçus, selon le président du tribunal de résidence de Guianga. Spes Caritas Kavanyana. Un élu collinaire rencontré ce jeudi à Guianga Centre nous a précisé qu'ils n'ont aucun problème de collaboration avec les médiateurs collinaires. Et ces derniers pensent à leur tour que les plaignants ont diminué chez les élus collinaires et ils ont augmenté chez les médiateurs. Ce qui est également confirmé par l'administrateur de la commune Guianga, Léopold Ndayisaba, fait savoir que les plaignants ont diminué chez les élus collinaires eu égard au rapport qu'ils transmettent dans la commune. De son côté, le président du tribunal de résidence de Guianga, quant à lui, a précisé dernièrement, lors d'une réunion qui était organisée par la Commission nationale indépendante pour les droits de l'homme, CNDH, que sur certaines collines, certains médiateurs traitent des conflits qui sont déjà tranchés dans les tribunaux alors qu'ils n'ont pas le droit de les recevoir. Spescaritas Kawanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. On reste à l'intérieur du pays pour retrouver notre correspondant Apollinaire Muzagara Angozi qui nous rapporte que 3 personnes d'une même famille sont depuis ce jeudi matin dans les mains de la police. Elles ont arraché leur champ de riz situé dans le marais de la Nyakijima, commune et province Ngozi. L'administrateur de cette commune indique qu'un délai de 2 semaines avait été donné aux riziculteurs pour sarcler leur champ sous peine de les voir céder aux coopératives Sangwe. Joseph Martin Wuchumi dit que leur dossier est déjà en cours d'instruction à la police judiciaire. Apollinaire Muzagara. Ces personnes arrêtées sont Averiman Catherine et ses 2 fils. Ils ont été arrêtés ce jeudi matin par la police sur l'ordre de l'administrateur de la commune Ngozi, accusés de destruction de leur champ rizicole. Ils l'ont fait selon eux pour éviter que leur champ soit donné à quelqu'un d'autre alors qu'ils en ont aussi besoin. L'administrateur Joseph Martin Wuchumi indique que les résidents de son marais, de Nyakijima, avaient eu un délai de 2 semaines pour sacrer leur champ, mais certains de ces derniers ont fait la sourde oreille. Joseph Martin Wuchumi dit qu'il ne peut pas accepter en tant qu'administratif que de tels champs ne soient pas entretenus, alors qu'il y en a qui pourraient les valoriser. Ces personnes arrêtées ont été conduites à la police judiciaire d'Ongozi pour la confession de leur dossier sur la destruction méchante des champs. 5 personnes ont été dépouillées de leur lopin de terre dans son marais de la Nyakijima de plus de 250 hectares de riz, puis données aux coopératives Sangwe d'Ongozi, appelées Muzagara Radio Isanganiro. Cap maintenant sur le sud à Rumonge. La ville de Rumonge fait face à un manque criant d'eau potable depuis environ 1 semaine à l'origine. Un des 2 tuyaux d'amener d'eau potable dans la ville de Rumonge qui s'est cassé. Les habitants de cette ville demandent la renormalisation de la situation dans les plus brefs délais. Félix Nhirameba, responsable de la régie des eaux dans le sud du Burundi, dit que cette société est à pied d'œuvre pour régler ce problème. Jean-Pierre Misago. Les eaux du lac Tanganyika sont devenues le seul point d'approvisionnement en eau pour différents usages domestiques pour plusieurs ménages de la ville de Rumonge qui se sont retrouvés avec des robinets à sec ce jeudi matin ou qui viennent de passer environ une semaine sans la moindre goutte d'eau potable dans leur robinet. Ceux rencontrés à la plage de pêche de Rumonge disent qu'il n'y a aucune autre alternative, sachant que l'eau du lac Tanganyika est impropre. Ils craignent d'attraper les maladies liées aux mains sales et voudraient que la régie des eaux renormalise la situation avant qu'il ne soit tard. Au regard de l'état d'avancement des travaux, débuté il y a de cela trois jours, Félix Nirameba, responsable de la régie des eaux dans le sud du Burundi, dit qu'après la repose de l'un des deux tuyaux d'amener d'eau cassés sur la rivière Dama dès la mi-journée de ce jeudi, suivra le rebranchement de ce réseau hydraulique pour renormaliser la distribution en eau potable dans cette ville. Sur la question de savoir si des travaux d'envergure ne pouvaient pas être entrepris pour stabiliser à jamais ce réseau cassé tous les temps à cette période, Félix Nirameba renvoie la balle à la commune Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. 1300 cas de grossesse non désirée ont été signalés chaque année en milieu scolaire depuis les trois dernières années. Des chiffres donnés par le Fonds des Nations Unies pour la population Burundi lors d'une formation organisée ce jeudi par l'association World Future Active pour les jeunes des quartiers nord de la ville de Bujumbura. Judy Kayel Elige, représentant du FUNURAP, fait savoir que la pauvreté dans les ménages et le manque de formation sont les causes principales de ces grossesses non désirées en milieu scolaire. Suivez-le. Chaque fois qu'il est possible de passer, encourager les actions en faveur des jeunes, c'est pour nous un plaisir. Aujourd'hui, c'est avec World Future Active, dans une activité de sensibilisation contre les grossesses non désirées à l'endroit des jeunes filles et des adolescents et adolescentes et des jeunes garçons également. Et donc, c'était pour nous tout naturel de venir les encourager parce que c'est un sujet assez important au niveau du Burundi. Et quelle est la contribution du FUNURAP pour lutter contre ces grossesses non désirées? Comme vous le savez, les jeunes sont au cœur du mandat du Fonds des Nations Unies pour la population. Donc, nous faisons en sorte que le potentiel de chaque jeune soit réalisé. Et pour que ce potentiel soit réalisé, il faut d'abord commencer par leur donner les informations juste sur ce qu'ils sont, ensuite construire leur personnalité et après avoir construit leur personnalité, leur donner les moyens de pouvoir réaliser leur rêve. Donc en gros, on sait qu'une grossesse non planifiée et un âge très jeune peut avoir une incidence assez compliquée sur le parcours et la vie des gens. Et donc il est important de faire en sorte que les jeunes soient prémunis de cela, d'abord en commençant par l'information et en leur offrant ensuite des services adéquats, adaptés à leur situation, adaptés à leur âge, qui leur permettent de pouvoir résister à cela. Leur donner également les compétences pour qu'ils puissent être des hommes de demain qui contribuent au développement du Burundi, c'est quelque chose d'essentiel. Donc c'est ce sur quoi nous travaillons, c'est ce sur quoi World Future Active travaille, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour les encourager. Et quoi faire pour lutter contre ces grossesses non désirées? Vraiment, la première chose, c'est donner l'information juste. Ça faut commencer par là. Et l'information juste en fonction de l'âge, aussi bien à l'école qu'en dehors de l'école. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est leur offrir des services adaptés à leur âge, à leur situation, sans jugement. Donc, en tant que prestataire, en tant qu'acteur qui travaille avec les jeunes, il faut pouvoir leur offrir les services, que ce soit de santé, les services en matière d'information, les services de lutte contre les violences basées sur les gens, les services de planification familiale, adaptés à leur âge, à leur contexte, sans jugement. Et ça, c'est important. Mais au sein de FUNURAP, avez-vous mené des recherches pour savoir l'état de lieu des grossesses non désirées, que ce soit ici au Burundi ou bien en Afrique? Oui, on mène des études un peu partout. Mais je vais prendre juste l'exemple du Burundi ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, chaque année, on a à peu près, sur les trois dernières années, 1300 cas de grossesse en milieu scolaire. Ça, c'est ce qui est déclaré. Et on ne compte pas les grossesses en dehors du milieu scolaire. Et selon les résultats des recherches, quels sont les hôtels principaux des commanditaires de ces grossesses non désirées? Bon, les commanditaires sont nombreux. Hein. Ils sont bien aussi bien à l'école qu'en dehors de l'école. Et l'une des sources et des raisons principales, c'est la vulnérabilité financière de ces filles et aussi le manque d'informations. Et en bref, en actualité sur régionale, le président de la Confédération helvétique est arrivé mercredi 12 avril dans la soirée à Kinshasa pour le premier voyage présidentiel bilatéral de la Suisse en République démocratique du Congo. Une visite de travail de 3 jours pour faire le point sur la coopération bilatérale et la situation humanitaire. En effet, Alain Berset va se rendre dans l'Est. Il a d'abord rencontré son homologue, Félix Tshisekedi, ce jeudi dans la capitale. Cette visite à l'Est s'inscrit dans la thématique que la Suisse veut porter à la tête du Conseil de sécurité, la protection des populations civiles. Il va se rendre à Bukavu, mais surtout à Goma, pour visiter les camps de déplacés. Ce déplacement présidentiel est la première visite d'un chef d'État, tout pays confondu, au Nord Kivu, depuis que le M23 a pris sa première localité en juin 2022. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Yeah.